Micro ouvert. Trouver sur le net. Ça y est, j'ai ma convocation. Pour une fois, c'est pas le tribunal. Mais je dois voter pour des couillons qui nous prennent pour des animaux. Oh ouais, oh ben ça va, hein. Oh. Et comme c'est les européennes, j'y comprends rien, ça la fout mal. Les partis se battent comme des hyènes, poignard dans le dos et ça s'emballe. Je vais y voter quoi? Ce dimanche pour faire la file, pour voter des lois débiles. Je vais y voter quoi? Un jour peut-être ça changera. Je vais y voter quoi? Mais faudra bien y aller voter. On va tous se faire en on espère avoir plus de blé. Mais ta pension va reculer. Mais faudra bien y aller voter. On va tous se faire en on espère avoir plus de blé. Mais ta pension va reculer. Au commencement était la parole. L'expression, la linguistique et la pensée sont intimement liés. Tout langage, y compris ce langage quotidien, oui, que nous nous donnons par présupposé comme compris, est préalablement codé. Se comprendre, c'est associer le même sens au même mot et les mêmes mots au même sens. En distinguant ce qui est parfaitement entendu, ce qui est sous-entendu, et ce qui est, comment faut-il dire, malentendu, complètement inentendu. Charge déraisonnable. Rencontre alors avec, je sais que c'est Cyril et Nico, sauf si vous avez envie de rajouter votre nom de famille. Mossé, Cyril Mossé. Et Nicolas Brugier. Voilà. Alors je vous rencontre parce que j'ai entendu un travail que vous avez fait. Du Fonds d'aide à la création radiophonique, c'est comme ça que ça se passe, hein, vous avez... et qui s'appelle Charge déraisonnable. Alors, j'ai écouté le travail, j'ai bien aimé. Hein, c'est... On peut peut-être aussi développer qu'est-ce que c'est ce travail. Et puis après, je donnerai mon avis aussi. On démarre. Qu'est-ce que ça veut dire Charge déraisonnable? C'est quoi ce titre? Bah, le titre Charge déraisonnable, déjà, il est venu de l'application en fait, d'une directive européenne, hein, au sens strict, qui considérait que la liberté de circulation des citoyens européens elle était soumise à une logique qui est celle de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système de sécurité sociale du pays qui nous accueille. C'est un concept totalement flou, en fait, hein, qui n'est pas très défini, mais qui a commencé à être appliqué très sérieusement par la ministre Maggie de Bloch à l'époque où elle était secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, donc vers 2012-2013. On a commencé à travailler là-dessus en 2014, parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait, depuis son application, il y avait déjà 10 000 citoyens européens qui avaient reçu un ordre de quitter le territoire, comme s'ils étaient sans pape, en fait. Hein, alors qu'ils avaient... Sans pape, sans papier. Sans papier, ouais. Sans pape. C'est une bière aussi, maintenant. C'est une bière aussi, ouais, qui a été faite en hommage à toutes ces personnes qui vivent en Belgique et qui n'ont pas le droit d'y résider légalement parce qu'ils n'ont pas le bon papier. Et en fait, ce concept-là, il nous a intéressés parce que... Enfin, voilà, on avait commencé à en discuter avec Cyril, puis entre-temps, c'était en 2014, il y a un gouvernement qui a été créé, le gouvernement de la Suédoise, et puis on s'est vite rendu compte qu'ils allaient nous donner de la matière, quoi. Hein. Et donc on a élargi le concept parce qu'on s'est rendu compte que ben, on allait expulser des chômeurs, on allait faire plus de contrôle pour les gens qui sont sur la mutuelle, on allait en fait élargir le spectre de tous ceux qui sont qui peuvent devenir des charges déraisonnables. Donc c'est de là que vient le titre en fait. Oui, bah Nico a bien résumé la situation, d'où vient le terme politiquement. Après, ce qui a fait directement écho, nous on s'est retrouvés, on s'est croisés à vélo, je crois, chaussée de Charleroi. Et puis on s'est dit, tiens, on se boirait bien un verre, puisqu'on avait travaillé ensemble sur un autre projet de documentaire. Hein. Et on discutait de l'actualité politique. Et justement... Vous êtes des potes à la base? On avait travaillé ensemble sur un documentaire réalisé par un ami, Stan Zambo, en commun. Nico s'était occupé de la partie traduction espagnole et moi j'avais fait la prise de son. Donc on s'était rencontrés puisqu'il coachait aussi les personnages du documentaire pour la voix. Voilà, on s'était rencontrés comme ça. Et puis après, ben, on a gardé le lien et on s'est retrouvés autour de cette bière en parlant de charges déraisonnables et on a trouvé que c'était assez magique en fait de rassembler charges et raisons. Que c'était des termes très évocateurs et qu'effectivement, oui, si ça touche les Européens en premier abord, c'est le reflet de logiques qui sont déjà appliquées, qui ont d'autres noms. Mais on en a trouvé un nouveau pour justifier une exclusion d'une autre catégorie de citoyens qui a fait un écho sur les médias, en tout cas français. Moi, pour ma part, je suis français d'origine, et donc ça a eu un écho en Belgique, ça a eu un écho en France, puisque Pujada s'était outré qu'il y ait des Français qui puissent être expulsés de Belgique. Bah, c'était une catégorie de citoyens qui n'était pas concernée encore par ce type d'exclusion. Voilà. Et tout de suite, c'était évident que c'était pas seulement le cas des Européens qu'il fallait traiter, mais que c'était justement une question de langage. Et que charge, ben voilà, charge, qu'est-ce qu'il y a sous charge? Décharge, recharge, il y a plein de choses. Et en même temps, les premières choses qui viennent, c'est charge sociale, charge lourd, voilà. Ouais. Et charge raisonnable. Charge patronale, charge fiscale, la famille, les personnes qu'on a à charge. Charge mentale. La charge mentale qui est venue se glisser en cours de route. Oui, qui était un peu sur des reportages, quand tu fouilles un peu, la charge mentale, c'est un peu les émissions pour la ménagère de 50 ans comme ça. On dirait que ça concerne que... après, il y a un autre mot, c'est le burn-out, mais charge mentale. Et raisonnable, alors là, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est de la philosophie, quoi. À croire que ceux qui écrivent les directives européennes sont philosophes, quelque part. Voilà. Oui, puis charge, c'est lourd, quoi. C'est pas quelque chose de léger. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pesant. Et donc, votre travail, vous, en tout cas radiophonique, sonore, c'est pas vous qu'on entend, hein. C'est beaucoup de discours français, belges, sur justement cette manière de parler, quoi. C'est ça votre travail aussi. Ouais. En fait, à la base, moi, j'ai fait des études de langue et littérature. Comme disait Cyril, j'avais travaillé sur un projet sur lequel il était impliqué aussi comme traducteur. Moi, j'étais là pour faire le traducteur. Et en fait, c'est clair que j'ai une passion pour la langue, pour le langage, pour l'expression. Et quand j'étais étudiant, la question de la sociolinguistique, ça m'avait passionné, quoi. C'était vraiment un truc... Je travaillais dans le social, d'ailleurs. Je travaillais dans le milieu associatif. Et justement, dans un service qui s'occupe de traduction et interprétation dans le milieu social. Donc, mes collègues interprètent... moi, je suis pas interprète, mais mes collègues interprètent... se rendent un peu partout dans Bruxelles pour aider les gens en fait qui arrivent en Belgique et qui comprennent rien à ce système, au-delà du fait qu'ils ne comprennent pas la langue. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est vrai que la langue, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette langue ? Mais la langue, en fait, c'est un instrument de pouvoir. Bien parler, bien maîtriser la langue, on voit bien à quel point c'est quelque chose qui donne énormément de crédit ou de pouvoir. Pour avoir habité à l'étranger, notamment en Espagne, j'ai pu remarquer que mieux tu parles une langue étrangère et mieux tu seras reçu. Et donc, quand tu parles la langue du lieu où tu te trouves, bah, mieux tu la parles, mieux ce sera. La capacité d'adaptation aussi à ce que tu vas avoir en face de toi, elle est primordiale. Mais pour ça, il faut être outillé, quoi. Il faut être outillé, il faut avoir le bagage culturel, il faut avoir le bagage formatif, et il faut connaître les codes, en fait. Hein, c'est une question de code. Et donc, on s'est vite rendu compte que... c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, mais que ce langage, il est finalement choisi. Le fait d'utiliser des termes flous, c'est quelque chose de voulu, c'est volontaire. Ça permet de justement exclure des personnes déjà par l'expression. Et ça conditionne beaucoup, en fait, hein. L'accès aux droits ou non, en fait. Hein. Le fait de revendiquer ses droits, c'est aussi savoir à quoi on a droit et pouvoir s'exprimer sur ses droits pour les revendiquer. Moi, j'avais pas spécialement de réflexion ni de formation sur le langage, en tout cas parlé, la linguistique. Après, j'ai fait des études de cinéma, donc forcément, ça pose directement au premier cours. Hein, c'est quoi le point de vue ? Ah, ok. Bon, donc forcément, c'est une réflexion sur le langage audiovisuel. Évidemment, dans le langage audiovisuel, il y a aussi la parole. Il y a le montage, C'est un langage des langages. Après, donc, j'ai fait de la prise de son documentaire. Donc ça, c'est des formats un peu divers et variés. Donc c'est des approches qui m'ont beaucoup intéressé, beaucoup nourri. Et j'ai eu l'occasion de faire des piges dans des médias un peu officiels, donc à l'RTBF par exemple. J'avais déjà un point de vue, j'avais pas vraiment envie d'y aller, hein. C'était plus alimentaire. Moi, mon père, c'était biberonné un peu au journal de TF1. Hein. Mais en fait, assez vite, ça m'a assez déplu. Et en fait, j'allais regarder le journal et puis je les faisais chier pour démonter ce qu'ils disaient. Donc je perturbais l'écoute du journal de mes parents. Bref, j'avais un point de vue politique et assez vite, en fait, ça m'est assez vite apparu qu'on nous racontait pas mal de conneries. D'où peut-être les études ensuite. Et en même temps, le fait d'être preneur de son, c'est beaucoup d'écoute. Hein, et puis le fait de travailler aussi le montage sonore, c'est travailler sur le langage. Si tu vas dans les médias officiels, ou par exemple à la radio, on fait des billets de 1 minute 30 et là on sucre tout, quoi. On sucre les petits bruits de bouche, les hésitations. Ça devient. Là, c'est vraiment l'archétype du discours formaté, quoi. Et qu'est-ce que tu peux dire en 1 minute 30 En fait, tu reposes sur des termes qui sont des archétypes, qui sont des préjugés, enfin, qui sous-tendent des imaginaires très très larges, des mots flous, des mots larges, des mots creux, qui entretiennent du flou et qui reposent sur des idées préconçues. Voilà, donc moi, c'est un peu tout ça qui m'a mené là. C'est vrai que d'être en position de preneur de son pendant tout un temps, ça m'a un peu frustré par rapport à certaines approches de réalisation ou alors justement par rapport à la manière de créer quel discours on tient, quel langage on crée dans les médias dominants. Et puis j'ai eu l'occasion d'atterrir à l'atelier Grafoui où j'ai pu m'exprimer aussi, et donc c'est aussi la structure de production. Donc voilà, donc là, de vraiment travailler beaucoup plus le langage, la réalisation, etc. Et donc là, c'est venu. Ouais. Vous avez quoi comme bien ? On est coupé par la bière. C'est pas grave. Il n'y a pas de caméra, hein. Je préviens toujours, parce que des fois, il n'y a pas de caméra, c'est juste un micro. J'ai la triple carmélite. L'année blonde, l'année brûlée au fût. Ouais, le truc plus original. La chouffe. Ouais, bon, une chouffe, allez. On n'est pas au compte de l'originalité, mais une chouffe. Ouais. D'accord, deux chouffes. Voilà, deux chouffes. Mais donc, si on rentrait dans le cœur du sujet, comment vous avez traité tout ça ? C'est pas, donc je le répète, hein, c'est pas vous qu'on entend développer toute une idée, tout ça, c'est plutôt aller chercher justement ce langage très formaté, quoi, pour finir. Oui, alors le truc, c'est qu'on a commencé par revenir à la base. Hein. Un des premiers enregistrements qu'on a fait pour ce documentaire, c'est d'aller retrouver mon prof de sociolinguistique de l'Université de Liège. Jean-Marie Klinkenberg. Que Nico admire secrètement. Ouais, mais je l'admire parce que c'est vrai qu'il m'a enseigné beaucoup de choses sur le pouvoir du langage et sur la manière dont une langue et une manière de la parler peut classer ou déclasser les gens. Et il a ce côté, hein, ce gars, il est en même temps président du Conseil supérieur de la langue française de Belgique, ce qui est un peu l'équivalent de l'Académie française, moins pompeux quand même, mais le gars, il continue à parler avec son accent verviétois sans se prendre trop la tête, quoi. Et il a cette espèce de gouaille qui est à la fois un mélange d'un peu argotique, un peu... Et donc, moi, je trouvais que c'était un personnage assez truculent à interroger sur la question. Parce que, voilà, il a un peu un côté grande gueule aussi qui me plaisait bien. Et très didactique et très ludique, quoi. On s'est vite trouvé d'accord sur le fait qu'on avait déjà un bon départ avec lui. Et puis après, on est allé voir d'autres gens qui viennent d'autres horizons. On a récolté un peu des paroles d'experts, hein, ce qui est un procédé assez classique finalement, en se disant bah ouais, on va entendre ce que les gens qui sont interrogés sur la question du langage et la question de la place de chacun dans la société ont à dire là-dessus, sur cette articulation entre place dans la société et maîtrise de la langue. Et puis très vite on s'est dit, c'était lié aussi au cadre professionnel de Cyril, qui devenait donc l'atelier Grafouille, qui devenait aussi notre producteur. Donc il y avait cette question de oui, on va pas se limiter à des gens qui parlent bien, qui savent de quoi ils parlent. On va faire aussi parler des gens qu'on n'entend pas. Et ça, c'était important pour nous, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va arriver au fond de notre propos avec seulement des gens qui parlent du sujet, mais pas ceux qui le vivent, en fait. Ça, c'était une question qu'on s'est vraiment posée et qui a vite été mise en place, parce qu'on s'est dit « Ok, il faut qu'on fasse des ateliers, en fait. » C'était l'idée, c'était de faire des ateliers avec un public qui, à un moment donné ou à un autre, a été considéré comme une charge déraisonnable dans sa vie, ou des gens à qui ça parlait, en tout cas, et qui sentaient qu'ils avaient besoin de s'exprimer sur la question. Voilà. Et donc, dans le document, on entend des gens... C'est marrant, hein, moi, je me souviens plus, quoi. Ce que je me souviens surtout, c'est des paroles qu'on entend, dans les médias classiques, oui, voilà. Mais je me souviens moins des gens comme toi et moi qui... Je reprends un peu ce qu'a dit Nico aussi. Il y avait quand même une volonté à la base. C'était évident que, le prof de linguistique, c'était évident qu'il nous fallait, on partait du langage, d'une expression. Donc c'était évident qu'il fallait explorer et qu'il allait avoir une trame de la langue dans le documentaire. Après, on s'est quand même vite dit que ce serait quand même chouette d'avoir un peu tous les points de vue. Évidemment, on peut pas tous les avoir, mais d'avoir... Si on parle de la langue, il faut qu'on ait des accents différents, il faut qu'on ait des points de vue différents, il faut qu'il y ait des âges différents, il faut qu'il y ait des sexes différents. Bon. Donc là-dessus, moi, c'était quand même une condition, c'était primordial, en fait, hein, d'avoir ces mélanges-là. On ne pouvait pas ne pas avoir non plus des extraits de médias, même si... c'est comme une preuve, hein, c'est comme on les balance comme des preuves. Voilà, regardez. Si vous n'avez pas bien écouté, on vous fournit un exemple. Voilà, il y en a à l'appel. On entend le MR, on entend la NVA, on entend Macron. Voilà, on entend en tout cas ceux qui parlent dans l'espace francophone. Oui, ce qu'on peut appeler les représentants du discours dominant, finalement. Hein, les représentants de ce discours dominant de l'économie libérale qui a pris toute la place et qui est finalement la seule parole valable, avec des petites variantes. Hein, on peut être un petit peu réformiste, un petit peu progressiste, un petit peu transgressif, mais mais tous les éléments de langage sont les mêmes en fait, hein. Ils sont repris, bon, ils changent au fur et à mesure du temps, des années, il y a des effets de mode, mais effectivement il y a des termes qui sont là comme des armes, hein. Ça c'est ce que dit Klinkeberg et d'autres, hein. C'est effectivement, ça a été posé directement comme ça. Le langage est le reflet, hein, des rapports de pouvoir, mais c'est aussi un outil. Et là, je crois que c'est important. Moi, je rappelle le début du documentaire, mais tu as un peu deux conceptions de la sociolinguistique. Et bon, il y en a une pour laquelle ça paraissait évident, c'est le langage créé. Voilà. Le langage créé, avant toute chose, avant qu'il y ait des actions, il y a quand même un discours qui justifie. Bon, je dis pas, avant de se servir un verre, on va peut-être pas parler, mais pour ce qui est de la politique, on va d'abord parler, et puis après, on va écrire ça, et puis on va le traduire en acte. Donc le langage créé est encore plus dans la politique et encore plus quand il s'agit d'une grosse machinerie médiatique qui répercute ces discours-là et qui occulte les autres. C'est comme s'il faut justifier tout ce qui se fait, ouais, c'est comme faire la guerre au nom de la démocratie, c'est un peu tout ça aussi. Oui, en fait c'est cette manière de parler qui est... assez paradoxal, hein. Donc je disais tout à l'heure, moi j'étais formé en linguistique, mais après j'ai toujours été passionné par l'information en tant que telle, plus que par les médias, j'ai toujours été passionné par l'information. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui ça fait tellement... De quelle information tu parles ? J'avais quand même ce rêve de... Sois précis sur tes termes, Nicolas. Ouais, j'avais quand même ce rêve de gosse d'être journaliste, quoi. D'être journaliste pour pouvoir enquêter, pour pouvoir essayer de comprendre la réalité des autres, pour pouvoir en faire part, en fait. Hein. J'aimais beaucoup l'écriture et je l'aime toujours. Je me suis découvert une passion pour la radio en étudiant, en refaisant des études de journalisme, du coup, donc plus tard. Et voilà, j'ai connu le formatage aux médias. Très vite, je m'y suis frotté. J'ai travaillé pour plusieurs médias en presse écrite. Et voilà, j'ai pas voulu rentrer trop dans leur jeu et c'était pas viable en fait. Hein. Ou tu acceptes d'écrire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure et pour un tarif ras des paquerettes, ou tu essayes de garder ta dignité et ton sens de l'éthique, et alors tu galères, quoi. Et donc très vite, j'ai déchanté sur mes objectifs. J'ai assisté à des réunions de rédaction dans lesquelles tu vois bien que, voilà, pour des quotidiens assez importants, j'ai pu constater à quel point... les patrons de presse sont cyniques et leurs chiens de garde, hein, qui sont les rédacteurs-chefs, sont assez formatés eux-mêmes, hein, et ils veulent faire du chiffre. Il n'y a rien à faire. Hein. Le journalisme, c'est un truc qui s'est créé sur un modèle libéral lui aussi. Hein. Et donc ça, on l'oublie trop souvent, mais c'est de là que ça vient, quoi. C'est du modèle anglais libéral, quoi. Et donc Le rapport aux médias, il est toujours un peu ambivalent chez moi. J'aime beaucoup m'informer, mais en même temps, je regarde tout avec un œil critique. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'était de pouvoir me distancier de mon formatage de journaliste. Ça a été de prendre mes distances, de réactiver toute une série de choses qui étaient inhérentes, qui sont liées à mon sens critique et qui étaient aussi liées au fait de c'est une réalité qu'on ne mentionne pas ou du moins on ne l'aborde pas comme ça. Oui, moi je voudrais aborder quand même ce sacro-saint principe, hein, dont on entend parler ou dont se justifient les journalistes, les chiens de garde, entre guillemets, des médias dominants, c'est l'objectivité, quoi, en fait, la neutralité du journaliste, l'objectivité. C'est fou, mais ça reste, c'est encore là, quoi, c'est toujours là. Et j'en reviens toujours au studio de cinéma. Je veux dire, à partir du moment où tu poses une caméra ou un micro, une caméra, tu vas filmer un côté de la rue, mais tu filmes pas l'autre. Donc à partir du moment, c'est toujours subjectif. C'est toujours subjectif. Donc c'était évident qu'il fallait qu'on soit subjectif. Je pense que ça a été... Il y avait eu un petit cap à passer aussi sur nous deux, comment on abordait le truc. Et moi, c'était clair. Il fallait pas représenter tous les points de vue, non, parce qu'en fait, le point de vue dominant, on l'entend tout le temps. Donc on va l'illustrer, on va mettre une petite musique derrière pour se foutre un peu de leur gueule, mais en fait, c'est pas eux qu'on doit entendre. Et qui on doit entendre? Bah, effectivement, c'est intéressant d'entendre des spécialistes de la langue, hein, mais qui voient les choses sous une notion de rapport de pouvoir, parce que moi, ça, c'est un peu ce qui m'a apparu, en fait, hein, comme j'avais pas spécialement de réflexion sur la langue. Par contre, sur la politique, etc., oui, mais que justement, bah, c'est le rapport de force. Et en discutant avec tout le monde, finalement, une des principales fonctions qu'ont ces techniques de langage, hein, cette création de mots, ces créations de concepts, etc., une des principales fonctions, c'est masquer les rapports de force. C'est un peu ce qui est développé aussi, hein, y a pas que ça, mais partenaires, hein, voilà, exemple des partenaires qui, ouais. On doit être tous des partenaires qui se regroupent autour d'une table, en fait le conflit, peut-être que c'est sain, si la démocratie s'est construite aussi, hein, les démocraties libérales sont construites sur la notion de lobbying, hein, sur la notion d'influence, hein, elle se construit là-dessus. Faut lire Propaganda de Edouard Bernays, qui était le neveu de Freud, qui a théorisé le marketing, hein, en fait. Hein, voilà. À l'époque, au début du 20e, propagande, c'était pas un mot, c'était pas un gros mot, quoi. D'ailleurs, on parlait de propagande, voilà, c'était pas, c'était clair, quoi. Là. Et lui te dit, Edouard Bernays, qui est un des théoriciens, te dit, la démocratie, c'est la propagande. Bon. Voilà. Après, on peut essayer de voir aussi les choses d'une autre manière. Oui, ce sont des confrontations. En fait, ça devrait être des confrontations d'idées. Donc, à partir du moment où on cherche à masquer les conflits, déjà par le langage, hein, endormir un peu les gens avec des concepts creux, ou à les enfermer dans des clichés, hein, populistes, tout ça. À partir de ce moment-là, c'est un peu une négation de la démocratie. Parce que, en tout cas pour moi, hein, pour nous, la démocratie... Et pour un de nos intervenants, la démocratie, ce serait quand même censé être justement avoir des conflits. Avoir des conflits pour pouvoir discuter, avoir des oppositions, etc. Alors qu'on voit que, justement, sur des principes économiques, on est enfermé dans des doctrines néolibérales. Et à partir de ce moment-là, ça n'est pas discutable. Ça n'est pas discutable. Et en fait, derrière charge déraisonnable, qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est ça, c'est les raisons néolibérales, c'est voir le monde à travers un prisme matérialiste, financier, économique. Donc tout est réduit en coûts, en charges, et les gens aussi. Donc c'est la négation de ce qui fait un être humain. Même négation de la vie, même en général. Et à partir de ce moment-là, ça implique des notions beaucoup plus larges. Mais ces notions, pour moi, qui sont mortifères, en fait. Hein. Bah, c'est l'extrême. On nie l'humanité, ouais, des gens en les traitant de charges, en fait. Finalement, hein. c'est un peu le point Godwin. Hein. Donc, quand tu es dans la négation de l'humanité, du vivant. Parce que en fait tu es en train de lisser tout, hein, bah, tu te retrouves dans un concept où t'es dans une extrême rationalité. Et ce glissement de sens, en fait, il se fait de manière très insidieuse. Cyril parlait de propagande, par exemple. Tu as effectivement ce concept de propagande qui. Les sources étymologiques, c'est faire porter une parole, en fait, hein, propagande. Ça n'a pas une connotation négative. Mais c'est juste que c'est sa déviation et son appropriation par une certaine catégorie qui lui a donné une connotation négative. Et concrètement, et je parlais de point Godwin justement, on le voit bien, la propagande, ça a été Goebbels en fait, hein, qui s'en est emparé. Donc, ministre de la propagande nazie qui a utilisé ce terme-là. Et donc, pour divulguer l'idéologie nazie. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu un terme négatif. Je trouve que c'est un très bon exemple, ouais, parce qu'en fait, ça montre bien à quel point un terme, selon l'usage qu'on en fait... Je t'attends un petit peu. Comment ? On entend quand même. On entend très bien. Oui, comme j'ai pas le casque, voilà, j'ai plus l'habitude d'avoir le casque. Donc, mais voilà, je disais... Ah ouais, c'est... C'est top comme, vivant, comme musique vivant, d'ambiance. C'est ça, c'est le vivant, ça. En fait, l'évolution qu'un mot peut connaître, elle peut être évidente, hein, comme c'est le cas ici avec ce que je disais par rapport à la propagande, mais elle peut être beaucoup plus insidieuse. Et donc, le fait de ces injonctions à la raison, la notion de charge et le glissement de charge comme quelque chose de négatif, a fortiori en fait, hein, mais une charge ça peut être positif ou négatif, hein, si on prend une pile, hein, ça c'est aussi une phrase qui revient dans le documentaire, si on prend une pile elle peut être négative, tu as une charge positive, une charge négative, et donc du coup, enfin, ou tout courant électrique d'ailleurs, le courant alternatif fonctionne avec le positif et le négatif. Et il y a ce manque d'équilibre finalement, et c'est ça qu'on a voulu dénoncer. Hein. C'est ce glissement qui tranche directement les choses et qui les catégorise d'un côté ou de l'autre de la balance. Ou tu es avec nous ou tu es contre nous. Hein. C'est ce que Bush disait dans sa guerre contre le terrorisme. Et c'est déjà en 2003, donc c'est vrai que c'est des trucs qui sont pas nouveaux, hein. Et le néolibéralisme, c'est un truc qui est plus très nouveau, et donc c'est plus très néo, et c'est pas très ouvert au débat, donc c'est pas très libéral non plus, en fait, hein. C'est ça qui est assez amusant, c'est quand tu retournes les concepts qui sont utilisés par le pouvoir dominant, tu te rends compte que leurs propres concepts ne veulent rien dire, quoi. Ils sont vides de sens. Oui, et puis c'est voulu, effectivement, que ce ne soit pas explicité. Hein. Je veux dire qu'on utilise ces mots larges, comme même démocratie. Hein, démocratie, c'est quoi? De quelle démocratie on parle, en fait? En fait, le fait de laisser le flou, c'est ça, c'est une des principales fonctions. Laisser le flou sur un mot et tous les concepts qui peut contenir, eh ben, ça, c'est une des fonctions principales. On maintient le flou. J'ai plusieurs questions comme ça, ou en tout cas remarques pour continuer à développer un peu tout ça. Moi, j'ai parlé avec mon collègue aujourd'hui qui disait que votre travail, en fait, ça faisait tellement du bien d'entendre. C'est comme si on analysait un peu la machine, quoi. On regarde un peu comment ça fonctionne. Ça, j'ai envie de dire. Mais moi qui suis dedans, hein, qui suis comme vous, j'ai bien compris la mécanique, et il y a d'autres gens qui l'ont compris. Alors, j'ai plus vraiment le recul entre... vous n'avez pas l'impression que ça commence à s'écrouler, tout ça, qu'on commence à comprendre tout ce jeu de langage, même assez puissant, et que ça devient vraiment plus que tu disais du flou, ça devient vraiment vide de sens, ça n'a plus de sens. C'est comme si on prenait, en tout cas le pouvoir prenait la parole et... on les écoute plus, quoi. C'est plus réel, en fait. Je dis qu'il y a, en fait, comme dit Nico, c'est pas nouveau, en fait, ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, je pense que c'est un travail, c'est-à-dire redéfinir, réexpliciter, réexpliquer, aller chercher les résonances. C'est un travail qu'il y a à faire, en fait, en permanence. C'est un travail critique à faire. Maintenant, on est tous sujets, en fait. On est tous corruptibles par les mots, parce qu'en fait, on peut pas être expert sur tout. Moi, il y a plein de sujets, si tu me parles, bah, je vais pas décoder, en fait, hein, parce que j'ai pas de connaissances, je peux pas te dire quels sont tous les concepts, enfin, j'ai pas de liste de concepts qui sont derrière tous ces mots, voilà, je suis pas expert sur tout. Donc, en fait, on peut se faire avoir... Mais je dirais moi-même qu'il y a du mensonge, tu vois, c'est oui. Carrément c'est carrément transformer le réel, tu vois. Je reviens, ce serait un travail pour moi qui est à faire en permanence, voilà, ce travail de réflexion sur les mots, qu'est-ce qu'on nous dit, ah tiens, on réfléchit, on doit réfléchir, on doit être critique surtout. Pourquoi? Ben, effectivement, comme tu le dis, ah oui, ça commence à... on a les gilets jaunes, il y a plein de mouvements partout dans le monde qui montrent bien que finalement, la majorité des gens ne sont pas vraiment dupes, hein, des médias, parce qu'en fait, ils racontent une chose et puis les actes montrent bien qu'ils ne le pensent pas. Donc oui, il y a un dégoût et il y a un rejet. Et en même temps, un rejet, c'est peut-être bien, en fait, qu'il y ait un rejet. Un rejet de quoi, précisément? Des médias dominants. De ce langage? Ben, ça, j'ai pas forcément l'impression. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un rejet de ce langage-là. Moi, oui, en tout cas. Mais par contre, il y a un rejet des élites politiques et il y a un rejet du système dominant. Alors qu'on y mette le mot néolibéral ou pas, je crois que c'est pas tant la question. Il y a un rejet. Et les gens, par contre, voient très bien qu'il y a des classes dominante. Les inégalités sont exacerbées, il y a des captations de richesses de plus en plus grandes. Donc ça, c'est lisible, si tu veux, par tout le monde. Mais en fait, on veut aller faire un pas plus loin et penser à faire autre chose, hein. Alors je sais pas, faire autre chose ou lutter contre, ou faire les deux, ou j'en sais rien. Quelque part, il va falloir passer par là. Il va falloir passer par la déconstruction du langage. Et si on veut prendre la parole, il va falloir penser à quel mot on utilise. À dessein. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi ce qui est dit dans le documentaire, c'est que le langage, c'est un outil. Alors oui, effectivement, il y a des rapports de pouvoir, il y a des puissants, il y a des moins puissants. On n'a pas tous les mêmes capitales culturelles, etc. Ça, c'est Bourdieu qui développe ça. Donc oui, après, il y a un travail à faire pour se réapproprier le langage, parce qu'en fait, se le réapproprier, c'est pouvoir penser autrement, parce que les mots peuvent emprisonner. Donc ça, ce sera toujours à faire. Et si on veut aller plus loin, c'est-à-dire que critiquer ou aller un peu plus loin que ce constat, ce rejet des élites ou du système médiatique qui est ultra concentré par des fortunes, une centaine de fortunes en France, à un moment donné, il va falloir définir autre chose. Mais si ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir réfléchir ensemble. C'est un peu ce qui se passe avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire, en fait, on va discuter entre nous, puisque finalement, tous ces discours-là, ces mots qui sont surusités, que même si tu n'écoutes pas les médias, tu les entends dans les discussions et ça te revient toujours, en fait, ils s'imprègnent. Nico avait un mot qu'il aimait beaucoup, ça allait percoler, on a mis ce mot-là dans les dossiers partout, ça percole, voilà. Ça, comme le café qu'on buvait. Il faut se le réapproprier, et pour aller plus loin, il faut redéfinir d'autres projet, n'est-ce pas, dans un projet. Et ça passe par parler autrement, et ça passe par aussi, il faut squeezer, quoi. Il faut plus écouter ces médias dominants, ou alors il faut les contrecarrer, ou alors il faut aller les attaquer. Mais alors là, je suis pas bien sûr que ça marche, hein. Branco en ce moment qui va sur les plateaux télé, je suis pas sûr que ça marche, puisque tu te fais de toute façon récupérer. Il y a une puissance de frappe qui est très très forte. Donc à partir de ce moment-là, c'est toujours un peu la complexité, hein, c'est de se dire, ouais, effectivement, cette machine-là, on commence à y voir des brèches, il y a des grains de sable qui commencent à s'y glisser. On espère qu'on est allé foutre notre petit grain de sel à nous. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas forcément conscients du langage qu'ils utilisent et du langage qu'ils entendent surtout. C'est un peu déplorable. Et alors, un autre problème pour moi... Déplorable, voyons. Non, mais en même temps, c'est un effort permanent. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est un effort permanent. Une conscience aussi. C'est une conscience des mots, c'est un esprit critique. Et ça m'amène au deuxième point, effectivement. Donc, quand on parle notamment des Gilets jaunes ou ce qui a été à une autre époque les indignés en Espagne. Moi j'ai eu l'occasion de voir le mouvement en pleine effervescence en passant par là au mois de mai 2011. Et en fait, c'est qu'il y a une espèce de nébuleuse qui se crée, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on met à la place de ce qui est là, en fait? Et ça, pour moi, ça doit passer par la réflexion sur le langage, justement. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, effectivement, le langage, il construit le réel. Si tu veux construire un autre réel, il faut s'approprier un langage et considérer que... Des langages. Ou des langages, oui, parce qu'il n'y a pas besoin qu'un seul langage... et droit de citer, ça c'est intéressant aussi. Parce que c'est ça, je pense que c'est ça fondamentalement le problème, c'est-à-dire qu'on donne toujours la parole aux mêmes, et qu'il suffirait, je dis ça, qu'il suffirait avec des guillemets, mais de tendre son micro à d'autres gens, enfin, qui pensent autrement, avec une autre manière de parler, enfin, des fois ça se réduirait à ça, quoi. On donne la parole toujours aux mêmes, quoi, et c'est ça qui se passe. Non. Oui, en fait, c'est assez amusant, hein, parce que quand on a fait, les sessions d'écoute préalables, donc on était encore en session de montage, on a fait écouter le documentaire à plusieurs personnes qui gravitent autour de l'atelier Grafouille notamment. Et je me souviens très bien qu'il y avait à deux reprises, hein, on a eu des femmes qui nous ont dit... Ouais, très bien votre documentaire, les gars, mais les experts, il n'y a que des hommes. Et les personnes en situation de difficulté, c'est principalement des femmes. Et en fait, on a dit, ouais, mais attends, c'est pas qu'on n'a pas essayé. Hein. On a cherché à avoir des experts, femmes. On a contacté des femmes qui nous ont pas répondu, qui n'étaient pas disponibles, qui ont dit que c'était pas leur sujet. On a eu plein de réponses de ce type-là. Et de l'autre côté, à nos ateliers, en fait, il y avait majoritairement des femmes. On n'a pas discriminé d'une manière ou d'une autre. C'est la réalité des faits. Je trouve que c'est très parlant, en fait, sur une réalité de société. C'est que on en prend conscience maintenant, relativement. Et, de quoi de votre docu avec le recul de ce que tu viens de dire? Tu veux dire, quand tu dis on en prend conscience? Je dis en général, hein, dans la société, on prend conscience de la question du genre, la question de la place des femmes dans la société. C'était un débat de nos parents et de nos grands-parents pour les plus jeunes. C'était il y a 50 ans. Hein, mais en attendant, on voit bien qu'encore aujourd'hui, les femmes ont du mal à prendre la parole ou à s'exprimer ou à pouvoir dégager du temps aussi pour pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Quand on leur demande d'avoir une parole d'experte, mais par contre, quand il s'agit de parler de situations douloureuses vécues et peut-être une position plus de victime, alors à ce moment-là, on va trouver plus facilement du monde. Et donc, là aussi, c'est triste hein, comme constat, mais je trouve que c'est assez révélateur. Et pour moi, ça participe en fait à cette reconstruction. Hein. Depuis que le documentaire est sorti, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit « ça fait plaisir d'entendre ce que vous avez dit ». Ce que vous avez fait dire à des gens, parce que c'était ça aussi le truc. Hein, c'est, ce que vous avez fait dire, tu veux dire ce qu'on a donné comme parole aux gens. Mais il y a un jeu de montage aussi. Hein, ça, il est totalement assumé. Il y a un jeu de montage sur les paroles des gens. Et on a regroupé, ça c'est un point de vue d'auteur aussi, hein, c'est regrouper des paroles qui n'étaient pas forcément mises les unes à côté des autres, mais qui, quand on les a mises ensemble, nous semblaient faire sens et participer à un discours alternatif à celui qu'on entend tout le temps dans les médias dominants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Votre travail repose vraiment essentiellement là-dessus. Après, peut-être moi, ce qui m'a manqué, c'est comme je le sais, tout ça, ce langage, c'est peut-être trouver comment changer cette machine. Est-ce que... Enfin, voilà. Ça manque peut-être aussi, parce que quand on est dans le milieu, évidemment qu'on sait que le langage est formaté, que c'est tout le temps les mêmes qui parlent, que, etc. Vous voyez, il y avait Franck Lepage, vous voyez ce bonhomme, qui avait fait tout un exercice avec plusieurs mots, et c'était génial. Il démontrait en 5 minutes tout. C'est où Allez, j'ai, déjà, moi, je considère potentiellement comme dangereux quelqu'un qui me propose une solution. On voit que les impasses politiques actuelles, c'est que tu as une minorité qui décide pour tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est donner la voix à une multitude, une diversité de points de vue qui devient intéressant. Donc voilà, une solution. Bon, nous, c'est des petites choses. De toute façon, une machine comme ça, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Une machine, des machines, bon, je ne sais pas comment définir ça. C'est un système très, très complexe. Donc quelqu'un qui va me donner une solution pour le démonter, bon ça, moi j'aurais pas tellement confiance. Après des pistes, oui. Alors bon, effectivement, peut-être qu'on le sait, très bien. Mais en fait, il faudrait que tout le monde soit alerte là-dessus. Et ça commence par des petites choses, parce que on peut vite se décourager pour se dire « Ah oui, il faut lutter contre le système, on va trouver des solutions. » Oui, en fait, des solutions, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein, on peut les trouver ensemble. Et en même temps, c'est cet exercice-là de le faire. De réfléchir à ces mots, de les choisir, de construire notre langage et de parler ensemble. Déjà, ça, c'est le préalable. Et je reviens aux gilets jaunes, mais c'est ce que je remarque, la base. C'est ça, en fait, finalement, c'est des gens qui se retrouvent autour de ronds-points pour parler. Et déjà, en fait, parler et se rencontrer, ça fait du bien, de tous bords politiques. Parce qu'on a essayé de dire que, justement... Alors, l'extrême droite, après on a dit que c'était antisémite, après on a dit que c'était... Bon, bref. Mais en fait, c'est des gens qui se rencontraient plus. se rencontraient pas. Et donc finalement, tu as un gars du FN qui rencontre un mélanchoniste ou un centriste, un mec qui a voté Macron qui est un peu dégoûté. Et bien en fait, ils parlent et ils se rendent compte que finalement, on n'est pas si différents et qu'on a un peu les mêmes problèmes. Et finalement, quand tu vois au-delà, évidemment, de ce que reflètent les médias dominants, si tu écoutes un peu, il y a quand même des émissions, quand même des choses qui existent, qui donnent la parole à ces gens-là. Et ben tu te rends compte que ce qui ressort, c'est une volonté de démocratisation, mais du coup, démocratie plutôt penchant participatif. Quoi. On veut avoir notre voix. On nous entend pas, on veut avoir notre voix. On n'entend que, ok, ça concerne pas tout le monde, les gilets jaunes. Mais bon, on a une nuit debout, peut-être pour des gens, plus des jeunes, plus alternatifs, ou des idéologues de gauche. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est des couches de population qui se conscientisent politiquement, et le fait de se retrouver ensemble et d'en parler, et ben c'est déjà... Donc en fait, moi je crois que ce sera compliqué de se rassembler pour dire on va sortir du système néolibéral. Par contre, à des niveaux plus petits, justement, ça c'est peut-être déjà un enjeu, se retrouver à des niveaux plus locaux, pour penser global, hein, pour reprendre un peu des slogans, et ben ça me paraît intéressant, puisque c'est autour de solutions pratiques, que parfois tu vas trouver un consensus sur pour dire on veut pas de l'agrandissement de l'aéroport de Paris, hein, j'en sais rien, parce que finalement tous les gens qui sont autour de différents bords, et ben ils vont se retrouver là sur non, ça on veut pas. Mais voilà, tu parles des gilets jaunes, en fait c'est un bel exemple, hein, les gilets jaunes de cette ce peuple qu'on n'entend pas et qui parle pas le langage qu'il faut, en fait. Hein. Ils ont été très vite discrédités dans leur ensemble parce qu'ils ne parlaient pas le langage du pouvoir, en fait. Hein. Déjà, ils parlaient avec leur trip et pas avec leur cerveau. Donc déjà, ce n'était pas le langage de la raison. Hein. Donc il y a des mots qui peuvent aller plus haut les uns que les autres. Il y a un phrasé qui n'est pas forcément policé, qui n'est pas forcément comme il faut, en fait, hein, comme il faut, parce que c'est ça qu'il faut. Hein. Et en fait, tout ça dérange, hein, ça pose problème, parce que, comme je disais, il y a une manière de formater les choses. Hein. Je pense à un philosophe québécois qui nous a pas mal inspiré aussi, hein, qui est... Alain Deneau qui a beaucoup écrit sur la manière dont le grand capital domine le monde aujourd'hui, c'est pas un secret en fait, hein. Mais il a aussi beaucoup parlé sur la politique de l'extrême centre qu'il a appelé la médiocratie, en fait, hein. L'extrême centre, c'est être, et donc être médiocre, c'est être vraiment au milieu. Et donc c'est marrant, mais là on revient sur le glissement de sens des mots, hein. C'est vraiment cette manière dont les mots, en fait, passent par une manière de les interpréter qui peut être plus ou moins large. Mais généralement, on n'en retient qu'une acception, en fait, hein, pour reprendre la terminologie des dictionnaires. En fait, une acception, c'est vraiment c'est ce que tu arrives à lire, quoi. C'est la référence, c'est le premier truc. Et les gens, moi je me souviens très bien, j'étais prof de langue pendant plusieurs années, les étudiants, je vais toujours leur expliquer que quand ils ouvraient un dictionnaire, il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent à la première définition, quoi. Parce que ce n'est pas forcément ça, la réalité qu'ils cherchent. Et en fait, c'est pour moi, c'est ça, en fait, le fond du problème, c'est que les gens cherchent, et en fait, c'est pour ça que aussi que, à mon sens en tout cas, que les extrêmes triomphent en Europe, c'est parce qu'ils arrivent à convaincre qu'on peut répondre à des questions complexes par des réponses simples. Et en fait, c'est simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe. Le monde dans lequel on vit est complexe. Ça, c'est inévitable. Je pense qu'il s'est complexifié. Notre société s'est complexifiée de par toute une série de phénomènes. Ce serait trop long à développer ici. Mais quoi qu'il en soit, apporter une réponse simple, et là, je rejoins Cyril sur le fait qu'une personne qui arrive avec une réponse toute faite, c'est toujours quelque chose à prendre avec des pincettes, quoi. C'est quelque chose qu'il faut construire, en fait. Les réponses et les solutions, elles doivent se construire collectivement autour de projets de société qui sont pas forcément exactement le même, mais qui peuvent se rencontrer sur des points. Et là, on en arrive à une logique de chercher le consensus et développer un discours, un dialogue, en fait, Et donc là, on reprend, en fait, on se réapproprie ce discours dominant et cette manière de travailler qui nous a imposé, mais on en fait quelque chose de collectif. Parce qu'en fait, on est dans une société de l'individu, hein. On a perdu toute notre sens de la collectivité. Les gilets jaunes, c'est exactement ça. C'est les gens qui ont besoin de refaire du lien, quoi, qui ont besoin de se retrouver. Et c'est, le symbole est tellement beau. La France est le pays où il y a le plus de ronds-points au monde. Ils ont, les urbanistes complètement tarés ont construit 70 000 ronds-points à travers la France en moins de 40 ans. Et en fait, on exporte. Et ouais, il y a une exportation du principe du rond-point. Ben, on le voit en Belgique aussi. Hein. On a une fièvre du rond-point. J'ai rien contre les ronds-points en eux-mêmes, mais le fait qu'on en foute partout tout le temps, c'est symptomatique, quoi. On fait tourner les gens, en fait. Hein, ben, on fait tourner les gens au lieu de leur faire communiquer entre eux. Tiens, au fait, c'est ta place, non, c'est ma place. Non, on va se mettre au milieu du rond-point. Maintenant, on va se mettre d'accord, en fait, sur les règles à redéfinir. Tu parles de tourner, moi, ça me fait penser. On parlait des médias, je reviens juste sur une notion. Les médias comme la télévision, un peu moins la radio, mais quand même, si. C'est la spirale du silence. Je ne sais plus quel sociologue avait décrit, avait nommé ça, la spirale du silence. C'est-à-dire qu'on a affaire à des médias à sens unique. On diffuse, mais il n'y a pas de droit de réponse. Donc à partir de ce moment-là, comment ne pas se sentir... on ne se sent pas entendu, voilà, tout simplement. On n'est pas entendu. Donc oui, là, il y a une chape de plomb. Il y a une chape de plomb idéologique. Et forcément, ça a des impasses. Voilà. Ça a des impasses idéologiques aussi. Et donc... Donc revenir au sens des mots et réfléchir là-dessus, c'est repenser une idéologie, c'est déconstruire l'idéologie qu'il y a derrière. Mais ça donne aussi envie de dire qu'il y a la pensée qui est formatée, mais il y a la bouffe qui est formatée, il y a l'architecture qui est formatée. Enfin, c'est fort, quoi. C'est très fort. Hein, On vit dans une société normée, en fait. Hein, et finalement, c'est quelque chose... Il y a quelque chose d'anthropologique là-dedans, hein, parce que si on veut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'on vit dans quelque chose de formaté, toute société a des normes. Toute société doit constituer un socle commun. Des codes pour fonctionner, moi je dirais ça comme ça. Hein. Voilà. Oui, et c'est pas un gros mot de le dire, mais... Le fait de pouvoir interroger ces normes et le fait de pouvoir les remettre en question et de proposer des alternatives, ça c'est ce qui fait avancer pour moi une société et ce qui lui permet d'aller plus loin qu'être quelque chose de monolithique et d'imprimé. Après, il y a toujours ce risque. Hein, moi j'aime bien cette expression du capitalisme mutant, en fait, qui arrive à se réapproprier des tas de choses. Pas plus tard qu'hier, je voyais passer sur les réseaux sociaux une photo d'un sandwich dans un emballage, donc les sandwichs triangles, hein, les trucs qu'on trouve sur les aires d'autoroute et dans les supermarchés, le comble de l'industrie. C'était un sandwich LGBT. Parce que c'était la composition. Je suis curieux de savoir la composition du sandwich. En fait, tu vois, c'était en Grande-Bretagne, hein, donc où tu as le sandwich LBT, qui est un sandwich grand classique des sandwichs anglais, parce que c'est laitue, bacon et tomate, tu vois. Et ils ont rajouté du guacamole. Et ils ont rajouté un ingrédient et ils ont mis un petit arc-en-ciel. Ils ont fait voilà, vous avez un sandwich gay, quoi. C'est super, quoi. Vous avez un sandwich LGBT, quoi. Mais c'est tellement ridicule que moi ça me fait rire, mais en même temps il y a une vraie réappropriation des choses. Corruption. C'est une corruption, ouais, c'est une corruption du langage, c'est une corruption des concepts, c'est une corruption de réalités qui sont vécues par des gens, quoi. Moi, ça me fait sourire et ça nous fait rire ici autour de la table, mais le fait de pas avoir l'orientation sexuelle ou de genre adéquate aujourd'hui, c'est encore un problème partout dans le monde, quoi. Et ça, c'est une réalité qu'on essaye de masquer en faisant des sandwichs, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc de « Ah ouais, nous, on est cool, on est progressiste, on a fait un sandwich LGBT, quoi. » Mais non, c'est... Non. Ça n'a rien à voir, ça ne rentre pas dans le débat, quoi. Mais c'est ça qui est grave et qui est inquiétant, c'est que cette manière de se réapproprier les choses, elle vient toujours d'en haut. Maintenant, il est temps qu'elle vienne d'en bas. Et donc, quand tu disais, en fait, oui, on est un peu pessimiste, mais moi, je pense que les pistes, elles sont là. C'est refaire société ensemble. Non, j'ai pas dit que vous étiez pessimiste. Hein. Pas une seule fois, j'ai utilisé ce mot. Hein. Vous qui êtes dans la langue, là, c'était... J'ai expliqué, c'est parce que moi, je suis dedans et donc je comprends bien la mécanique. Et on a envie de dire, tiens, mais qu'est-ce... Parce que c'est les discours que vous avez mis dans votre docu sonore, ben, on a l'habitude de l'entendre, celui-là. Hein, mais bon, je dis, il y a des gens qui m'ont dit que ça fait du bien d'entendre justement la mécanique que vous développez dans votre document sonore, quoi. Oui, et enfin, pour rebondir sur ce qu'a dit Nico avant, c'est oui, il serait temps que ça vienne d'en bas. Mais en fait, en bas, ça n'a jamais cessé de se réapproprier et de les mots. Enfin, je veux dire, c'est en permanence, c'est une caractéristique humaine, quoi. C'est juste le problème, c'est qu'on n'entend que ceux d'en haut. Hein? En bas, ça a toujours réapproprié le nom. Et le problème, c'est surtout, justement, c'est le rapport de pouvoir. C'est qu'à un moment donné, des gens ont honte de leur accent ou ont honte d'utiliser certains mots et se sentent inférieurs à d'autres parce qu'ils ne sont pas dans la norme. Nico parlait de normes. Oui, voilà. Dans la norme du pouvoir, voilà. Quoi. Alors qu'en fait, ces gens-là, on les stigmatise et on les ridiculise en permanence dans les médias dominants. Donc, oui, la réappropriation, elle est là en permanence. À un moment donné, il faudrait que ça s'entende un peu plus, parce que du coup, ça pourrait être accepté comme norme. Ce serait normal, en fait. Et bon, je crois que nous qui vivons, hein, on n'est pas dans nos gratte-ciels, pour utiliser une image, on les entend, ces langages-là. Et en fait, tu te rends compte effectivement que leurs discours, leurs paroles sont en permanence dénaturées, qui sont en permanence ciblées, victimes de préjugés. Et puis ça va, c'est au-delà du langage, hein, évidemment. Hein, le langage, c'est juste un phénomène. Hein, derrière, c'est beaucoup plus de violence que ça. Hein, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Mais on n'est pas entendu. Et il y a des hontes, du coup, qui s'installent. Alors, il y a aussi, moi, cet enjeu-là, c'est en fait, il ne faut pas avoir honte. Oui, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut bosser, quoi. Il faut connaître cette... il faut bosser, putain, merde. Ça va pas du tout, là. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Non, mais je veux dire que ça vaut le coup de réfléchir sur le langage et de se réapproprier, etc. Il faut connaître la langue du pouvoir pour pouvoir, hein, contrecarrer les idéologues en place. Et en même temps, tout comme Klinkeberg le fait, il faut assumer, donc le Klinkeberg, le président de l'Académie du Conseil supérieur de la langue française en Belgique, bah, qui assume complètement son accent liégeois et des mots d'argot. Parce qu'en fait, peut-être que ce mot d'argot-là sera beaucoup plus pertinent qu'un autre concept issu des cercles du pouvoir. Donc voilà, et quand je dis ça existe, évidemment que ça existe en permanence. Une manifestation, toujours des slogans, une chanson, ah bah oui, ben déjà là, on commence à approprier des mots, on commence à approprier des termes. Dans la musique, c'est en permanence, ce genre de logique. Le rap, on voit bien que ça a popularisé aussi des langages, quoi. Il y a un effet de masque, et une spirale du silence qui est issue de cette concentration des médias, de cet effet de... Il n'y a pas de rétroaction possible, on ne peut pas répondre, on n'a pas de puissance de diffusion autant que ça. Donc moi, si je peux me permettre d'émettre des pistes de solutions, oui, il faut penser au langage, créer du langage, créer des mots, créer des slogans, parce que eux le font. Alors pourquoi nous, on ne le ferait pas? Il faut utiliser ça, il faut retourner leurs mots aussi, hein, ce que plein de gens font. Et j'ai oublié où je voulais en venir. Ah, si, et il faut créer aussi, lutter pour reprendre de la place dans les médias. Voilà. C'est ce rapport de force que vous parliez au début. On sait qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est carrément... On l'empêche le dialogue, hein, on empêche le rapport de force. Oui, mais c'est ce qui est le plus pernicieux, c'est qu'on a l'impression, tu vois, tout ça, oui, il y a des mots. Ouais, ces mots forment des discours. Ces discours, en fait, c'est des récits. Ce sont des récits. C'est ça qu'il faut voir. C'est le récit derrière. Et les récits derrière, finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Ouais. Il faut déconstruire ces récits-là et il faut en proposer d'autres. Voilà. Proposer d'autres, c'est proposer d'autres imaginaires. Bon, je prends un exemple de Netflix. Je regarde sur Netflix, c'est l'apocalypse. Hein, je veux dire, on est foutu. Hein, là, moi, je ne l'ai pas, moi. Non, t'as même pas besoin de l'avoir. Hein. Non, l'homme survivant, voilà, la catastrophe est déjà préparée. Hein, je veux dire, c'est bon, on est déjà en post-apocalyptique. Ouais, mais c'est normal, la peur, c'est facile. Ça aide à manipuler. C'est spectaculaire, gens, c'est facile, etc. Mais en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir des scénarios optimistes. Ce serait peut-être intéressant d'avoir des scénarios qui nous proposent d'autres imaginaires que celui de la catastrophe, par exemple. Voilà, donc il y a les mots, il y a le discours, il y a le récit, donc il y a tout l'imaginaire qu'il y a derrière. Donc en fait, on peut remplacer des mots, mais alors, tu remplaces un mot, en fait tu remplaces un imaginaire. Et donc moi l'enjeu il est principalement là, puisque si le langage crée, eh ben d'abord il faut créer d'autres imaginaires avec d'autres mots, ou en réutilisant ces mots-là, en les agençant autrement pour créer d'autres imaginaires. Parce que ça part de là. À la base, on a des récits dominants, et ce qu'il faut montrer, c'est des récits alternatifs. Et oui, l'enjeu politique, effectivement, ce sera à un moment donné de lutter contre cette concentration de médias. Voilà, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, j'ai envie de... Après, on va boucler, parce qu'on arrive à la fin, mais entre la pensée, les mots et l'action. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'on a assez blablaté ou qu'on a assez entendu aussi cette espèce de pouvoir? J'ai l'impression qu'il y a la phase suivante, on arrête de causer, même si c'est super important hein, de se mettre d'accord, mais comme c'est monolithique comme ça, allez, action maintenant, quoi. Je vais dire une petite chose, c'est que, à petite échelle, hein, on a fait un documentaire, bon, on est très lucide hein, sur ce que ça peut sur l'impact, sur l'impact que ça a de faire un documentaire radiophonique. Bon, maintenant il est très bien hein, et heureusement qu'il est là, et d'ailleurs c'est un docu politique, quoi, ça fait du bien. Voilà, ça a du sens en fait. Déjà pour nous ça a du sens, très bien, déjà ça a une utilité. Maintenant il y a eu ce processus d'atelier dont on n'a pas parlé, mais qui a permis de faire émerger quand même des paroles qui sont dans le documentaire. Et là si je parle, oui, de l'action, en fait rien que faire ce documentaire c'était une action. C'était une action parce que c'est un processus qu'on a fait tous les deux. Moi j'étais pas spécialement, je connaissais pas grand chose sur le langage, j'ai pas réfléchi là-dessus, j'ai appris beaucoup de choses. Je peux en parler de manière beaucoup plus efficace. Finalement, les gens qu'on a interrogés, que ce soit des experts ou les autres, ils m'ont fourni des armes. Ils m'ont fourni des concepts et des idées. Donc déjà, ça a un impact. Maintenant, il y a des douleurs aussi, il y a des souffrances issues des rapports de pouvoir et des mots qui peuvent être utilisés dans ces rapports de pouvoir. C'est pas forcément que les mots, c'est le rapport de pouvoir en soi, mais en même temps, il y a des mots qui restent, il y a des choses qui restent. Justement, charge déraisonnable, ça a parlé. Si, nous, on a distribué des tracts un peu... êtes-vous une charge déraisonnable avec la photo de Maggie de Bloch, tu vois. Et y a des gens qui sont pointés. Moi-même, j'ai déjà pu me sentir comme une charge déraisonnable pour différentes raisons. Nico aussi, des gens dans notre entourage aussi, et ceux qui sont venus aussi. Et donc, il y a quand même quelques personnes à qui ça a permis, ce processus-là, de pouvoir lâcher. Hein, c'est-à-dire à un moment donné de prendre un peu de recul, d'avoir justement une discussion collective là-dessus, même s'ils n'ont pas pris part au montage et à la suite du documentaire. C'est quand même des notions dont on a discuté, le langage, charge déraisonnable, tout ça, dont on a discuté en groupe, et ça a permis pour certains de pouvoir se détacher un peu, de lâcher un poids, justement. Quand on parle de charge, de lâcher une charge émotionnelle liée justement à des rapports de pouvoir, à des expériences fortes et dures, et qui en même temps sont rappelées en permanence par ces éléments de langage. Parce qu'en fait, ces éléments de langage, ils sont violents. Ils portent une violence. Et le fait, ne serait-ce que ça, on parle d'action, ne serait-ce que d'entamer ce processus-là, et que pour au moins une personne, peut-être dans le groupe, ça a permis de lâcher quelque chose et de prendre un peu de distance, Et ben, ouais, ben voilà, ben ça c'était une action. Alors ok, c'est pas une action spectaculaire, mais je crois qu'il faut... voilà. On n'en sait rien, ça. On ne sait pas, comme tu dis, l'exemple, il est bon. Mais c'est des actions. Alors bon, loin de moi de faire la promotion des colibris, et en même temps, pourquoi pas. Mais bon, ben oui, il y a des petites actions qui peuvent mener à des grandes. Donc chacun... on a tous du pouvoir en nous, cessons d'avoir honte, voilà, il faut partir de ce qu'on est et ouais, réfléchir sur les mots et après agir à partir des armes qu'on a. Nous, les armes qu'on a, c'est la langue, l'audiovisuel, etc. Ben voilà, on a fait une petite chose et puis on verra ce qu'on va faire plus tard en prenant conscience des limites de ce qu'on a fait, etc. Ouais, et finalement, notre objectif avec ce documentaire, hein, quand on est arrivé au bout du processus, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on veut, quel est notre objectif. Et en fait, notre objectif, il était triple. C'était tout d'abord de faire prendre conscience aux gens... J'adore ce que tu as dit, triple. Ouais. Triple. Triple. Triple. Ah ouais. Ouais. Carmélite. Je suis déjà en partance pour Liège, alors j'ai mon accent liégeois qui ressort. Il était triple dans le sens où on voulait d'abord que ça fasse réfléchir pour les personnes qui ne se posent pas tellement de questions sur le langage, sur la manière de parler, sur les rapports de force dans la société, même si on sait qu'on s'adresse principalement à des gens qui sont déjà, on prêche un peu des convaincus. Quoi qu'il en soit, on voulait le faire d'une manière qui soit quand même abordable et assez amusante. Donc on a mis des petites touches d'humour pour pas que ce soit barbant, hein, parce que c'est pas un des sujets qui sont faciles à aborder. Et en définitive, le troisième élément qui était important pour nous aussi, c'était que ça suscite le débat. C'est que les personnes qui aient écouté notre documentaire aient envie ensuite d'en discuter autour d'elles, de réfléchir sur les mots et de devenir un peu comme nous. Nous, on est devenus chiants. Hein, on reprend tout le temps les gens dans notre entourage quand ils n'utilisent pas le bon mot. Moi, je l'étais déjà un peu. Mais je pense que Cyril, il a un peu été contaminé par cette habitude. Et en fait, on a développé vraiment, on a musclé notre cerveau par rapport à ça, quoi. On réfléchit vraiment aux mots qui sont choisis, à la manière dont on les utilise. Et même quand on s'engueule avec ma compagne, ben finalement, ouais, maintenant je commence toujours par redéfinir les mots. Donc comme quoi ça peut être utile aussi dans la sphère personnelle. Et tiens, on termine la diffusion de votre travail. Ça a été fait sur la chaîne publique ici en Belgique. C'est quoi le trajet de ça? Ben, on a demandé, on a envoyé à Pascal Tison, puis on va voir. Pas de réponse pour l'instant. Elle a dit qu'elle trouvait le projet chouette, mais voilà. Voilà, on espère que ça puisse être diffusé sur l'espace public. Ce serait bien que ce soit fait avant les élections, hein, parce que bon, comme toujours, les élections ou d'autres moments. Un peu plus cruciaux, ça tend encore plus le discours médiatique. Hein, c'est des périodes de matraquage hein, assez intenses. Donc c'est d'autant plus utile que ce soit diffusé dans ces moments-là. Voilà. Bon, Vous avez fait la demande il y a longtemps? Je ne sais plus. Moi, j'ai envoyé un petit mail il y a un mois. Voilà. Maintenant, il faut relancer. C'est toujours un travail, la diffusion. Okay, on a compris, ça va. Un travail compliqué, hein, celui de la diffusion. C'est, voilà, c'est... On en revient aux impasses des médias dominants. C'est-à-dire que finalement, c'est contraignant, c'est un peu. C'est du travail de contacter des radios. Et en même temps, quel espace, moi je pose la question, quel espace il y a en Belgique francophone pour diffuser du documentaire radio? Ben, en fait, il y en a une sur l'espace public. C'est l'RTBF et c'est par oui dire. C'est à 22h le lundi. Bon, il y a des podcasts et c'est la rediffusion aujourd'hui. Non, non, mais d'accord. Mais bon, en direct, il n'y a que ça. Et puis, il y a les radios associatives qui font leur boulot. En fait, les radios associatives existent, elles font leur boulot. Oui, en France aussi. Donc finalement, c'est plus facile de diffuser sur des radios associatives que. Les médias privés, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de diffusion documentaire. C'est des émissions. C'est parce que c'est un documentaire radio. Voilà. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc s'il y a des gens intéressés pour diffuser, programmer, nous ce qui nous intéresse aussi c'est des diffusions publiques. Ouais. Pour moi en tout cas, hein, à notre position de réalisateur entre guillemets, c'est Moi, le plus intéressant, c'est de pouvoir discuter après. Et moi, je trouve ça toujours super chouette de faire des écoutes publiques, puisque c'est assez marginal, ça permet de se retrouver autour du son. C'est toujours un moment spécial. T'as pas forcément envie de parler après, mais des fois, oui. Et c'est toujours très riche, puisqu'en fait, ça, voilà, c'est le travail de la radio. On est des gens de l'ombre. Le son, c'est pas forcément ce qui est mis en valeur, c'est d'abord l'image, etc. Bien que le son joue un rôle majeur. Voilà, une écoute publique, c'est toujours chouette, ça te permet de rencontrer directement les gens. Et on se rend compte que, en fait, c'est déjà pour moi une double victoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est venu, qui s'est déplacé pour écouter du son, c'est rare. Et pour les gens qui c'est la première fois, je me dis, s'il y a une écoute publique, s'il y a un gars qui s'est déplacé pour écouter du son, tant mieux. Et en plus, en écoute publique, tu as une attention beaucoup plus particulière, tu as une énergie collective. Et tu as potentiellement un espace du coup de discussion collectif qui se crée, et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Ouais, c'est assez amusant parce que, voilà, juste un petit mot de la fin. Hein. Là, on a pu l'entendre sur l'enregistrement, on est à la terrasse d'un café. Au cimetière d'Ixelles, hein, donc zone étudiantine. Et depuis le début, en fait, tout le monde regarde où est la caméra, en fait. Et donc c'est très amusant parce que ça fait une heure qu'il y a des gens qui passent et qui essayent de voir où est la caméra. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est tellement dans un monde de l'image qu'on ne prend plus le temps d'écouter. Pour nous, c'est vraiment hyper important parce que le langage, c'est ce qu'on écoute, même s'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup qui passent dans le non-verbal. Il y a un moment donné, il faut prendre le temps d'écouter. Et surtout écouter ceux qui n'ont pas souvent la parole. Ça, c'est le plus important. Et de manière critique. Ouais. Voilà. Amen. Alléluia. La messe est dite.